Et pendant tout ce moment de 86 à aujourd'hui, donc t'es à la radio. Oui, et oui, au début, c'était essentiellement orienté sur le Gazprom. Enfin, la vision du point de vue d'une association antiraciste. Enfin non, antiraciste. C'était pas, parce qu'on n'était pas du tout sur la base de SOS Racisme. Une association de solidarité. Et donc, du coup, avec une lutte sur le séjour extrêmement forte, une opposition à la police raciste extrêmement forte, donc des débats sur la place des immigrés, le droit de vote, enfin tout ça, et ça c'était régulier, enfin ça apparaissait régulièrement dans nos émissions. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on prolongeait, sans forcément y avoir pensé avant, tout l'engagement des gens qui avaient créé les radios libres, quoi. Parce que l'alternante, c'était ça. Et ben, petit à petit, effectivement, ça n'a pas été que les étrangers, parce que moi j'avais posé ça, j'avais essayé de discuter de ça aussi, mais j'ai dit, mais dans les émissions du Gazprom, régulièrement on parle de tas d'autres trucs que la situation stricte des étrangers. On parlait de la situation générale de la population, enfin du capitalisme, quoi, enfin, de la façon dont ça s'organisait, ou dont les étrangers étaient membres, mais on ne pouvait pas le séparer d'autre chose. Ce que font tout un tas de gens d'ailleurs quand ils font des radios par rapport à, enfin, ou des émissions ou des trucs sur les étrangers, enfin, ou les immigrés. Parce que tu ne peux pas séparer la situation des immigrés aujourd'hui en France de tout un tas d'autres trucs en France ou même au niveau mondial. Et comment était décidée la grille des émissions? C'était discuté en amont? C'était improvisé? C'est-à-dire que la grille, aujourd'hui, elle est discutée plus ou moins collectivement. On essaye de la discuter collectivement. Mais il y a... Alors après, quand les gens n'ont jamais fait de radio, ils veulent toujours tout préparer. Parce qu'ils ont peur. Puis là, j'ai remarqué au fil du temps, les amis se sont rendus compte qu'ils avaient toujours énormément de matériel. Enfin, si on prend l'habitude de noter dans les jours qui précèdent l'émission, ce qui nous pose problème ou ce dont on a envie de parler. Et donc, comme là maintenant on est nombreux, enfin relativement, on a aussi essayé un truc que j'avais jamais réussi jusqu'à maintenant, même si moi je l'ai pas encore pris en main, la technique, de faire en sorte qu'il y ait moins de division entre les gens qui font la technique et ceux qui causent. Parce que ça, c'était pour moi important, mais même si, pour l'instant, je n'ai pas passé encore de l'autre côté. Et c'est les gens qui sont là, les amis qui sont là, ça, c'est maintenant une donnée de base. Et on a essayé d'augmenter le temps de notre créneau, parce qu'on manquait toujours de temps pour discuter de certains sujets. Parce que on a toujours gardé Gazprom aussi, hein, régulièrement, il y a des gens qui sont venus parler de leur situation, notamment des demandeurs d'asile. Et d'ailleurs, des fois, c'est surprenant, parce que je côtoyais des amis immigrés qui avaient des problèmes, et puis qui... je les connaissais pas bien. Et puis à la radio, ils se révélaient sous un autre jour complètement différent, quoi. Ils parlaient d'eux, ils parlaient de la situation, et très, très souvent, c'était très intéressant. Parce que, quand on est rencontré au Gazprom, on était focalisé sur les démarches. Donc on parlait pas forcément de, puis comme c'était pas forcément des gens qui venaient boire un coup avec nous après, donc la connaissance de leur vie était parfois, un peu légère, quoi. Enfin, légère, du moins, on voyait bien qu'ils vivaient forcément bien, mais on ne pouvait pas connaître toutes leurs histoires. Et parce que dans cette émission, on essaye aussi de donner la parole aux gens qui ont besoin de parler. Enfin, besoin de parler de leur lutte, de leur situation. Ça, c'est toujours prioritaire par rapport à ça et les annonces. Parce qu'on s'est rendu compte que les annonces, des fois, certains les écoutent. Gilles Perrault, voilà, c'est ça. Mon ami le roi, c'est ça. Oui, parce que ça m'avait frappé. Un jour, on avait parlé de ce bouquin. Et puis, il y avait énormément de gens à la... quand il est venu, au cinéma de Bretagne, puis on s'était demandé, mais comment ça se fait que les gens l'avaient su? Et on s'était rendu compte qu'ils l'avaient su, un certain nombre l'avaient su par la radio. Parce que le Gazprom n'avait pas forcément fait, ou les gens qui avaient organisé la réunion, n'avaient pas forcément fait une pub d'enfer. Oui, c'était à l'époque de la scène 2. Et il y avait encore des gens en tôle, comme Abraham Sarfati. Depuis de longue date. Et donc du coup, maintenant, comme on a aussi, nous, plusieurs approches dans cette émission, il y a aussi des fois des sujets que chacun développe un peu ce qui lui tient à cœur, ou ce qui sur le moment a envie de développer. Puis on essaye aussi de, quand on peut pas traiter un sujet, qu'est-ce qu'il y avait l'autre jour? Ouais, c'était par rapport à la situation des femmes. Bon, on a rappelé, les camarades sont venus parler de leur histoire, la Bitonus, et expliquer leur position. Donc jeudi dernier, on a rappelé leur initiative. Et comme Nadine avait... ramasser tout un tas d'éléments dont elle voulait parler, mais vu que l'heure pouvait pas tout mettre, parce qu'on avait eu les gens du collectif Précarité qui avaient parlé assez longtemps, et ben on fera un sujet plus conséquent la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Ça nous donne une latitude, c'est-à-dire qu'on dit l'essentiel, où il y avait par exemple aussi l'histoire du train antinucléaire, il y avait tout l'annonce du camp, expliquer pourquoi, etc. Et puis, bah, maintenant, peut-être qu'on essaiera de voir s'il y a des gens qui ont été, qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, quoi. 86-2011, calcul rapide, 14 et 11, presque 25 ans de radio. Oui. Dans la longueur, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont suivi le même... Non. Bon, d'accord. Non. Donc, tu as toujours fait avec des personnes différentes? Plus ou moins, oui. Et je suis très content de la situation actuelle parce que, justement, comme en plus d'une part, je risque d'avoir moins de temps maintenant si j'ai fait un doctorat, mais aussi que les personnes qui font avec moi maintenant s'embêtent pas si je suis pas là et font l'émission. Parce que comme maintenant je travaille en équipe et j'arrive une semaine sur deux après 20h et qu'on commence à 20h, par exemple la semaine dernière, ils ont commencé l'émission et c'était très bien. Et moi je savais pas ce qu'ils allaient faire. En général, les personnes qui ont animé la radio, au départ, t'étais seul ou... Non, j'ai jamais été tout seul. Mais c'est vrai que si, pendant assez souvent, au Gazprom, j'avais quelqu'un qui faisait la technique, mais j'étais le seul à amener du contenu. Et ça, des fois, ça me gavait parce que je faisais que lire. Et du coup, même quand tu lis, des fois, t'annonces. C'est très difficile de lire une période assez longue sans annoncer. C'est pour ça qu'on a toujours essayé de privilégier les dialogues, parce que la radio, c'est quand même beaucoup plus vivant. Ne serait-ce qu'au niveau du son, de la voix, c'est mieux construit, etc. Quoi. Bon, pendant un moment, j'avais essayé de faire un truc un peu théorique sur on prend les questions du bac, mais comment nous, on les traiterait. Du style de décaler un peu les approches, mais on faisait pas tous les jours, pas toutes les semaines. Mais on faisait de temps en temps, ben voilà, il y a un sujet... Voilà comment on doit le traiter au niveau officiel, si on regarde les manuels et compagnie, et bon, nous, comment on le verrait. Pour essayer de changer un peu, parce que, puis montrer que, si on voulait, on avait facilement des outils à notre disposition, et qu'il n'y avait pas forcément à attendre quelqu'un qui est un intervenant extérieur pour faire ce qu'on avait à faire. Parce que ça aussi, dans les moments militants, j'ai encore vu récemment, et là, le truc est prévu, bien, si on a un intervenant. Et notamment à B17. Et puis l'autre jour, eh ben, on s'est rendu, enfin, on a essayé de voir que, ben, sur un certain nombre de sujets, on n'avait pas besoin de permettre d'intervenants extérieurs. Notamment sur, ce qu'ils appellent, certains appellent la relocalisation ou les circuits courts dans l'alimentation. Sur les AMAP, ou les choses comme ça, quoi, la COPART et compagnie. Les gens qui essayent d'avoir ou les gens qui achètent à des producteurs bio directement au marché, hein, parce que là, le circuit est très court, hein. Eh ben, qu'on n'avait pas besoin d'intervenants, parce que on avait sous la main tout un tas de gens qui le pratiquent, qui le vivent. Donc, on peut peut-être partir de là, pour essayer de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit? Comment on voit? Etc., quoi. Et ça, c'est nouveau par rapport, justement, aux années 70, où on avait des gens qu'il fallait absolument avoir, des gens qui savaient, puis d'autres pas. Donc, cette division entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, bon, même si elle existe, il y a des moments où on peut tenter de la gommer quand même. On n'est pas obligé de maintenir cet écart sans arrêt. Enfin, de mon point de vue. Et moi, je trouve ça aussi bien que, y compris l'expérience de la radio, des gens maintenant se sentent capables ou essayent de le faire, d'animer une émission sans quelqu'un qui leur dit quoi penser. Ils le font. Ils sentent, bon, de temps en temps, ils ont besoin de se réunir, mais parce qu'effectivement, au fil du temps, moi, j'ai acquis une certaine habitude à parler publiquement, donc du coup, je rebondis très facilement devant le micro, donc du coup, je bouche les trous. Et donc les personnes qui commencent la radio sont toujours un peu surprises parce que le micro peut être un peu émouvant. Enfin, c'est pas forcément facile. Tu vois pas les gens à qui tu t'adresses. Puis des fois tu cherches tes mots. Bon. Il y a des personnes qui sont restées très longtemps avec toi pendant plusieurs années à animer. Oui, il y en a qui sont restées 2 ans, 3 ans. Je me souviens de. C'est 3 ans la moyenne. Ça a varié. Je dirais 2 ans. Et c'était des militants. Certains, plus ou moins. Plus d'hommes, de femmes. Plus d'hommes, oui. Il y a eu des femmes, des fois. Ben, il y a eu des moments où j'ai aussi essayé de faire venir tous les gens, des gens de toutes les assos avec qui j'étais en contact, notamment sur l'immigration, pour qu'elles donnent leur point de vue. Du style, la CIMA nous explique son engagement, pourquoi, comment ils voient les choses. Ou, pour moi, des fois aussi, mais je leur disais ce qui, moi, me pose débat. Bon, certains l'acceptent plus ou moins facilement. Faut bien dire que c'est pas toujours évident. Mais bon. Ça me paraissait aussi, puis il y a aussi une période où j'ai essayé de prendre, comme Miguel, par exemple, qui nous explique l'histoire du Pérou. Que d'autres, j'ai demandé à des Turcs de nous expliquer l'histoire de la Turquie, ou du Kurdistan, ou de certains sur l'Afrique. Il y en a un qui nous a fait un truc sur Tintin au Congo. c'était drôle, je trouvais que c'était excellent ça. Ben oui, parce que lui, il disait comment il voyait les têtes au Congo. Voilà, il y en a d'autres qui nous ont... Je me souviens qu'en 6 jours, on a parlé de Conrad sur... merde, ce truc sur les ténèbres, je ne sais plus le titre de son bouquin, sur le colonialisme, etc. quoi. C'était des trucs comme ça, quoi. Il y a eu, oui, il y a eu des fois où les gens, moi je leur demandais, bah, explique-nous un petit peu ton pays, d'où tu viens, c'est quoi un peu la géographie, c'est quoi un peu l'histoire, c'est quoi les problèmes, et comment ça se fait que t'es là. Essayer d'expliquer un petit peu les éléments d'histoire, parce que ça la radio, ça le permet très facilement. Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui a écrit un bouquin pour dire ce qu'il pense, sa vie, enfin, comment il a vécu tout ça, et comment il en est arrivé là. Et des fois, c'est très intéressant, parce que ben quand tu es en train de militer sur des points précis, tu discutes pas de tout ça. Puis même si toi, tu sais un peu sur certains trucs d'un pays en particulier, tu sais pas, en fait, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas tout... Il y a eu aussi, la radio a été un relais aussi plusieurs fois pour l'engagement contre la guerre, contre les deux guerres de l'Irak, sur la Yougoslavie aussi. Parce que ça aussi, dès qu'il y a un événement comme ça... On essaye aussi de relayer les gens qui s'engagent là-dessus et pourquoi. Parce que régulièrement, et d'abord leur parole n'est pas la même que la nôtre, au niveau du son, enfin de l'écoute, et puis d'autre part, au niveau des éléments d'analyse, c'est bien plus simple quand c'est des gens qui sont engagés qui le font. Alors quand on peut pas, ben on se sert de ce qu'ils écrivent, ou de ce qu'ils publient. Il y a un autre élément qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est le fait d'avoir des sites comme Adimedia. En quoi ça a changé? Ben, comme les mails, ça nous donne tout un tas d'infos qu'avant on n'avait pas, ou qu'il fallait à la pêche. Moi, je suis reconnaissant Internet sur l'horizontalité. L'incentralisme démocratique, tu peux toujours courir. Non, mais je crois qu'il faut le dire. Enfin, moi, dans ma vie, c'est important, ça. Parce que, c'est-à-dire là, les chefs que j'ai rencontrés ces dernières années, ils peuvent toujours courir. S'il y a des listes Internet, ils sont foutus. Enfin, dire, ils peuvent pas tout le temps stocker l'info, c'est pas possible. Et Indymedia, c'est important parce que, justement, et un certain nombre de gens, de chefs, n'étaient pas d'accord avec l'Open Publishing, c'est que les gens qui sont sur le, enfin, qui s'engagent sur un truc, qui font des choses, interviennent et mettent en ligne directement eux-mêmes. Alors évidemment, il y a une modération pour vérifier si c'est pas des fachos, des racistes, etc. Mais enfin bon, par rapport à ce qui est mis en ligne, ils interviennent pas très souvent. Et donc eux, après, ben, ils remettent plus ou moins en page, parce que des fois, ils mettent un focus sur certains trucs, plus style aéroport, ou le tenus DSK, ou je sais plus quand récemment, là. Enfin bref, il suffit de regarder, ou Copwatch, ils sont intervenus, ils ont mis en avant les trucs sur la façon dont la police, tout a été fait pour éliminer les sites comme Copwatch. Et ben là, directement, on avait une info, on avait... Et ça, Indymedia, de ce côté-là, c'est très intéressant. Enfin, de mon point de vue. Puis pour les annonces aussi. Parce qu'il y a des gens régulièrement qui disent, mais comment on fait? J'ai dit, écoute, si tu veux, on regarde une première fois ensemble, et puis après, au bout de 5 minutes, t'as pigé comment il fallait faire. Hein. Puis ben, un certain nombre de gens ont bien pris l'habitude maintenant d'aller là-bas pour regarder, y compris les flics. Parce qu'on l'a vu l'autre jour à Notre-Dame. Hein. Bon, c'était plus ou moins un test. Hein. Mais les flics étaient là parce qu'on avait mis en page, enfin, on avait mis en ligne un appel précis à une action particulière. Et leur boulot, c'était de nous empêcher de le faire. Et d'écouter ce qu'on disait. Parce qu'apparemment, ils avaient compris du matériel d'écoute à très long terme. On leur a même fait sortir un drone, apparemment. Et ça se passe... des fois, il y a des conflits au sein de la radio? Entre les... Non, pas vraiment. Ça s'est toujours bien passé dans le cadre des émissions. Je peux pas dire que c'est pas complètement sans conflit, mais c'est pas... Quand les personnes partent, parce que tu dis que la moyenne, c'est 3 ans. Elles partent Souvent au changement d'année. C'est quand on repart au mois de septembre. Dans la vie des gens, des fois, il y a des changements. Donc on essaye après, quand on recommence en septembre, de voir avec qui on fait l'émission. Alors, à la fois pour la technique et à la fois pour le contenu. Mais là, le petit groupe qui est là, pour l'instant, il est relativement stable. Je dis bien relativement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes occupations, t'es pas tout le temps là, mais enfin... Et puis bon, je vois aussi que, y compris... Il y en a qui viennent pas tout le temps, mais ils viennent de temps en temps. Un certain nombre de gens ont compris qu'ils pouvaient venir causer de leur truc. Enfin, dans les réseaux plus ou moins anarchiques, plus ou moins militants, radicaux. Notamment, là, les deux personnes qui sont venues parler l'autre jour du truc, là, du sexisme autour du tonus des corpos de droit, il y en a une, elle était déjà venue. Donc elle, elle sait qu'elle peut nous contacter pour dire « j'ai envie de venir ». La fois d'avant, c'était un de ses copains... qui était déjà venu, puis qui, lui, avait envie de parler d'un truc précis à la fac, où il y a des fachos qui sont venus distribuer des tracts, etc. Et lui, il savait, même s'il n'est pas parlé longtemps, il savait qu'il pouvait venir. Alors nous, on demande aux gens de nous prévenir un peu à l'avance, parce que des fois, on a besoin de savoir ce qu'on va faire. Et c'est pareil, on l'a dit aux gens du collectif précarité, s'ils veulent revenir, il faut qu'ils nous contactent, et puis ils viennent. Et là, l'autre jour, c'était bien, parce qu'il y avait deux travailleurs sociaux, mais le troisième, c'était pas un travailleur social. C'était, comme ils disent, un usager. Bon, ça marche pas tout le temps, mais des fois, ça marche, ça. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont envie de dire des trucs. Bon, ils pensent pas forcément à nous. Vous avez des retours sur sur le nombre de personnes qui écoutent. Non, jamais, parce que on est alternante n'étant pas dans la médiabétrie, parce qu'il n'y a pas de publicité, on ne sait jamais. On ne sait absolument pas. De temps en temps, il y en a qui nous le disent. Je vous ai écouté. Ou je connais ta voix. Il y en a qui m'ont parlé de ça, notamment quand il y a eu l'histoire de diffamation. Parce que il y a eu une. Tu peux revenir, oui, justement. Oui, une amie militante qui travaillait dans une institution de pôle handicapé, côté de Saint-Nazaire. Et dès qu'elle a commencé à travailler là-bas, en 92, je crois, elle a été très surprise par l'état des locaux, la façon de fonctionner et de la maltraitance institutionnelle des personnes. Alors, il y a eu une évolution au cours du temps, parce que les locaux étaient refaits, c'était beaucoup plus des petits pavillons que des anciens asiles, enfin des bâtiments style asile, avant où il y avait tout le monde. Enfin, même si avant, il n'y avait pas un seul bâtiment, parce que j'ai toujours été classé, ça n'a pas changé, entre des moins atteints ou plus atteints. Et elle avait tout le temps essayé de dénoncer la maltraitance qu'elle voyait. Maltraitance institutionnelle, hein, pas seulement des personnels sur les personnes. Et elle avait essayé de se bagarrer X fois, il n'y a pas réussi, puis un jour, à une rentrée, j'ai dit, mais Chantal, si tu peux, on va préparer l'émission, si tu as envie, tu dis ce que tu as à dire. Donc j'avais été préparer l'émission avec elle 2-3 fois, parce qu'elle n'osait pas, tout ça. Puis un jour, on a fait une émission d'une heure, où d'habitude il y a des coupures, et là il n'y avait pas eu de coupure du tout. Au début, elle était assez flippée, puis elle s'est mise à parler. Bon, elle a repris ce qu'on avait un peu préparé, mais c'était toujours sa vie à elle, et ce qu'elle disait qui était fondamental. Et puis comme elle voulait que ça se sache, moi j'ai diffusé le CD de l'émission un peu partout. Et c'est arrivé aux oreilles de la préfecture, de la DAS et de Mindin. Et ils ont porté plainte en diffamation contre nous. Et donc on a été en procès. Et là j'ai su après que, pendant qu'il y a des gens qui à l'intérieur de Nantes suivaient les épisodes de ce qui se passait là via la radio. Parce que les journaux ont tellement mal rendu compte de cette histoire. Je l'ai su entre autres par La Perle, par exemple. Il y a des gens qui à La Perle savaient qui j'étais. Alors que moi, je ne les connaissais pas. C'est après coup, hein, que j'ai su ça. Mais ceci dit, même au boulot, il y a quelqu'un qui est venu me trouver pour me dire « j'ai envie de soutenir ce que vous faites. » Un chef. Enfin, un demi-chef. Alors que j'étais très surpris et qu'il soit au courant de ça, quoi. Et il l'a été par la radio. Donc, tu vois, c'est, des fois, c'est surprenant. Hein. Des fois, on ne sait pas. Des fois, je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Alors, tu as eu un procès en diffamation par rapport à... Oui, en 2006, oui. L'émission était en 2005 et ça s'est terminé par ils ont perdu parce qu'ils ont fait une erreur de procédure. Et pendant t'as vu que t'as animé aussi des émissions pendant la guerre, enfin pendant oui. Les guerres. Oui. Il y a eu des échos un peu négatifs. Tu as eu des plaintes aussi. Il y a eu des retours. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte parce que je pense qu'on n'a pas. Notamment le premier pour le GROG signait lui-même ses interventions. Donc la radio n'était qu'un relais. Pareil pour la deuxième guerre d'Irak et la guerre en Yougoslavie. Il y a eu un comité ou des comités, mais ils sont intervenus en tant que tels. Donc je sais que, oui je me souviens, au moins une fois, venir un camarade qui a expliqué l'histoire et le point de vue, quoi. Non, non, non. Alors maintenant, pour éviter les diffamations, quand je suis pas sûr de mon coup, je dis, il semblerait que. Mais ça, bon, autrement, je dis, c'est mon opinion personnelle. C'est-à-dire que j'engage pas les camarades qui font la radio avec moi. Notamment dès que je parle du thème de la France qui pue. C'est un thème qui, depuis 2007, est très présent. Dire les pratiques de la police, les pratiques de l'administration, notamment vis-à-vis des immigrés. Mais pas seulement, hein, la précarité, etc. quoi. Ça recolande. Non, on n'a pas eu d'ennui de ce type. Tu viens de parler d'une rubrique particulière, La France qui pue. Est-ce que dans tes 25 ans de radio, T'as toujours changé de rubrique ou est-ce qu'il y a des arguments un peu récurrents qui les violences policières. Les violences policières à chaque fois. Ça revient très souvent, pas forcément toutes les semaines, mais ça revient très souvent. Le racisme institutionnel, la façon dont sont traités les étrangers, la façon dont sont traités les précaires. Ça aussi, c'est un thème qui a pris de plus en plus de poids au fil du temps. C'est-à-dire le place de la parole des chômeurs et des précaires. Alors, plus ou moins en lien avec les comités qui existent ou pas. Parce que là aussi, comme il y a Internet, on arrive à avoir des infos d'un peu partout. Bon, là aussi, quand on peut, on essaie de privilégier les gens qui, localement, sont partie prenante de ce type d'engagement. Il y a eu aussi, on a essayé de faire venir, on n'a pas pu faire venir énormément de gens, mais des gens, par exemple, qui ont été embauchés pour faire le nettoyage de la marée noire, là, la dernière, sur la Loire. D'avoir la parole des gens qui sont inscrits là-dedans, comment on leur dit des trucs, et puis alors, en fait, le degré de dangerosité n'est pas bien dit, etc., etc. Oui, il y a eu aussi l'engagement du Carnet aussi qui a été important contre la centrale nucléaire du Carnet. C'est-à-dire qu'on essaye d'être toujours en lien avec les... Et de ce côté-là, les listes de diffusion locales ou nationales sont fondamentales, parce qu'elles nous informent régulièrement de tout un tas d'éléments. C'est presque trop par moment. Parce qu'il y a des tonnes, quoi. Le tri, il s'opère comment, alors? Il s'opère... quand on fait... C'est un peu à la fois individuellement et collectivement qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une rubrique qui se tient, ou un sujet qui se tient, où la parole va durer 3 à 5 minutes, quoi. Enfin, de 1 à 5 minutes, quoi. Parce qu'on essaie de faire des pauses pour que l'écoute soit pas tout le temps la parole. On fait des petites pauses. Et puis qu'il y ait comme ça, et puis des fois, ça nous permet de rassembler à plusieurs, sans forcément qu'on soit concerté, de faire un sujet du style... les pratiques du ministère de l'Intérieur, par exemple. Les pratiques des services sociaux, par exemple. Ou la situation des femmes, ou... Ben, bref. Et ça se passe comment, concrètement? Quelqu'un arrive en disant, tiens, ben voilà, certaines mailing lists, il y a ceci, certaines mailing lists, il y a cela. C'est-à-dire qu'en général, maintenant, on vient avec nos papiers, on essaye de faire un peu à l'avance un tri, préparer, nous-mêmes, ce dont on a envie de parler. On voit si on a des convergences sur un certain nombre de sujets, on essaye de les grouper. Non, en fait, ce qui prend la main d'abord, c'est est-ce qu'il y a des invités? Et combien de temps il leur faut? Et à quel moment on les met? Et par exemple, la dernière fois, ils avaient prévu une demi-heure, c'était de 8h à 20h à 20h30. Puis à 20h30, donc il y avait la coupure pour le Radio France Internationale. Donc quand on a repris, ils ont continué parce que ils ont eu besoin de presque encore au moins 20 minutes pour essayer de dire tout ce qu'ils avaient envie de dire. Donc après, comme moi j'avais pas pu bien me concerter avec eux, moi j'avais préparé des trucs et puis j'ai essayé de partir d'où ils étaient, quoi. Entre autres avec le bouquin de Didier Fassin sur la force de l'ordre. Parce que je suis toujours en train de le lire, je l'ai pas tout à fait fini, et ça permettait pour moi de rebondir sur parce que eux, ils étaient pas certains là, dans ce comité, les gens de la radio sont plus habitués, mais ils n'étaient pas du tout habitués à avoir une intervention policière de ce type. Et ils comprenaient pas. Et ils comprenaient pas que d'une part ils se fassent taper, puis d'autre part que l'état des locaux après l'intervention de la police soit bien pire qu'à l'arrivée. Non mais c'est normal, c'est des gens qui sont pas habitués à voir l'intervention de la police. Les gens de la rue, ils connaissent l'intervention de la police, mais ils la connaissent pas au niveau collectif. Ils la connaissent au niveau individuel. Parce qu'ils finissent facilement au poste, etc. Et puis ils savent qu'il faut pas trop se rebeller parce que t'es cogné et tu morfles très facilement. Et donc là, eux, effectivement, moi, là, je suis parti de ce bouquin pour dire ce que j'en pensais, et puis de montrer que ce bouquin, il expliquait que c'était tout à fait normal ce qui leur arrive. C'est l'ordre social, c'est la force de l'ordre social. Et qu'effectivement, lorsqu'on lit ce bouquin, on n'est pas du tout étonné que ça se passe comme ça. C'est un sociologue, d'ailleurs, qui a lâché ça. Alors, je sais pas si c'est le frère d'Éric Fassin. J'ai pas trouvé encore. Et, voilà aussi, puis ça, moi aussi, des fois, ça m'intéresse de faire le lien entre ce que je lis et ce qu'on vit. Parce que ce qui leur arrivait là, ce qu'écrit Fassin, c'est exactement ce que dit Brossa sur la gestion du troupeau humain dans la biopolitique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au nom de la sécurité, du confort, de la santé, c'est la gestion technique qui prend le pas, et du coup, la politique est évacuée, il n'y en a plus. Donc les gens qui, comme ce collectif précarité, faisaient l'union entre des composantes qui d'habitude sont toujours séparées, et devient créatif et fort, c'est intolérable. Ils vont attaquer directement aux bases du fonctionnement qui exclut, qui sépare, qui fait de l'apartheid social, quoi. Et qui fait de la gestion de la misère. Et eux, là, bah, d'entrée, ils allaient s'attaquer à ça, quoi. Ils allaient avoir une parole là-dessus. Et ils étaient en train d'ouvrir un local où les gens pouvaient venir. Ou d'entrée, d'ailleurs, ce qui était assez marrant, ça a été remarqué par plusieurs personnes, c'est qu'une de leurs premières motions, ça a été de voter l'interdiction de boire de l'alcool à l'intérieur du local. Alors que l'alcool, ils vivent tous les jours avec. Et eux, ils interprétaient ça, je pense à juste raison, que c'était une façon de, justement, de s'éloigner de ce quotidien dont ils ne sortaient pas. D'avoir un lieu plutôt en paix, et où ils pourraient, ils auraient une meilleure place de sujet, quoi. Enfin, moi, je l'ai compris comme tel. Est-ce qu'il y a eu des fois où, ça s'est mal passé avec les intervenants? Non, pas très souvent. Pas très souvent. Pas très souvent, j'en ai malmené quelques-uns. Ça, c'est vrai. J'en ai poussé un certain nombre dans leur retranchement. T'as une anecdote, hein? Bah, je me souviens, c'était pas notre émission, mais c'était Alternante qui m'a fait venir pour un débat. Puis le mec, il défendait le PS. Et au fil du temps, j'ai pas arrêté de le cartonner, mais alors... Une autre fois, c'était sur la précarité. J'avais aussi un peu secoué. Par rapport aux paroles et par rapport à la situation réelle de l'institution. Enfin, des institutions. Mais c'est pas très souvent. Ça m'est pas arrivé très souvent. Bon, ceci dit, la personne qui était proche du PS ou qui défendait les positions du PS, 10 ans après, elle s'en souvenait encore. Moi, j'avais oublié, mais lui, ça l'avait profondément marqué. Il y a dû y avoir aussi une fois sur la guerre, il me semble. C'est quelqu'un qui tendait à justifier un peu la guerre. Il était un peu contre, mais moi, je l'ai poussé dans ses retranchements et je me suis rendu compte que sa position, pour moi, n'y venait pas. Bon, j'essaye qu'il n'y ait pas d'insultes, j'essaye qu'en sorte, ça soit que des débats d'arguments. Et en général, bon, là, des fois, les gens ont la répartie, puis des fois, ils n'en ont pas beaucoup. Ça dépend. Puis bah, des fois ils sont surpris parce que la tournure des événements c'était pas celle qu'ils avaient prévue. Non mais ça arrive, mais c'est pas la règle. Oui, parce que tu me disais inviter essentiellement des groupes, des personnes qui militent, oui. Faire connaître, etc. Donc là on est vraiment dans un cas où c'était le même cas de figure, la même configuration, ils venaient pour défendre quelque chose et finalement pendant l'entretien... Oui, pendant l'entretien ça retournait contre eux. Oui, c'est vrai. Au moins 2 fois ça, il me semble. Maintenant, il y en a un qui commence à me parler d'apartheid social, il avait eu ce mot-là sur un tract, puis je lui ai demandé de définir ce qu'il disait. Puis le pauvre garçon, il n'y arrivait pas. Il m'en a voulu un mort. Non mais, c'est quelqu'un que je connaissais un peu par ailleurs, qui jouait les petits chefs, et moi il m'agaçait. Et quand il a commencé à essayer d'expliquer ses trucs, moi je lui ai simplement demandé d'expliquer ce qu'il disait. Et donc j'ai bien vu que ça commençait à être panique à bord, et puis qu'il... Et puis comme il s'en sortait mal, il racontait des conneries, bah, fallait pas me dire, il aurait mieux fait de me dire, bah, je sais pas trop, je pense que c'est ça. Du style, à ce moment-là, moi je pouvais éventuellement dire, moi, ma vision de l'apartheid social. C'est quelqu'un qui était issu des mouvements intermittents et qui jouait les anti-organisateurs dès qu'il y avait un mouvement collectif, quoi. Et que moi je trouvais très pénible. Mais j'étais pas le seul. Hein. Mais non, c'est parce que moi j'avais pas participé à beaucoup d'actions, mais les amis qui avaient passé des actions avec lui, c'était... Ben, faites ci, faites ça, on va faire comme ça, etc. Donc, bon, je le savais un peu, mais moi, au départ, j'avais pas forcément d'opinion négative, envie de le faire chier. C'est simplement que je me suis rendu compte que ben, il employait des termes et des analyses qu'il maîtrisait absolument pas. C'est tout. C'est simplement que son truc, c'était en partie pipeau. Bon. Parce que, très souvent, je n'ai pas envie d'emmerder les gens parce que leur vérité est tellement forte. Que des fois, moi, au contraire, je précise ou je présente moi ce que je pense, mais je n'attaque pas la personne. C'est-à-dire que moi, je donne mes explications pour aider à comprendre, etc. Mais j'ai pas envie d'attaquer parce que tout simplement, même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit la personne, c'est tellement fort ce que dit la personne que tu peux pas dire qu'elle raconte des conneries parce que c'est pas vrai. Elle peut très bien avoir un éclairage qui est pas forcément tout juste, mais c'est sa vie qui vient sur le tapis. Donc elle y vient avec ce qu'elle a, parce que c'est ça le problème, c'est que les personnes ils viennent à la radio avec ce qu'ils ont comme possibilité politique, critique, idéologique. Donc ils y viennent avec l'état de la situation d'aujourd'hui. En même temps, il y a aussi des gens qui sont contents, hein, parce que moi je me souviens que je me souviens plus de temps, mais ça fait déjà un petit moment que quand la lutte sur l'aéroport a repris, il y a des gens qui sont venus plusieurs fois pour parler de leur lutte et qui n'étaient pas du tout spécialement libertaires. Hein. Et qui partait plutôt du point de vue de la CIPA et de la cohorde, mais qui, en poussant jusqu'au bout leur truc, devenaient très radicaux. au sens où ben, ils attaquaient ce type de développement parce que c'était leur place en tant qu'agriculteur, par exemple. Parce que c'était un trop un gars, c'est son père qui avait commencé, lui il reprenait le flambeau, ça faisait 40 ans. Et moi je l'ai revu après au camp climat ou dans quelques situations de temps en temps, il se souvenait très bien de l'émission, et lui ça l'a marqué parce que ils avaient pu reprendre main sur leur truc et une parole où bon après on n'a pas beaucoup de certitude si elle est bien écoutée, mais au moins elle est bien exprimée. Ben non, mais c'est important dans cette situation où les gens ont, au niveau du sens, ils cherchent leur truc. Et puis là, ben, ils sont légitimes. Et puis bon, moi des fois je les aiguille, je les pousse un peu pour qu'ils aillent plus loin. Alors des fois j'arrête parce que effectivement, on n'a pas envie de chercher les gens, mais. Ou alors des fois si c'est arrivé de temps en temps, ou là, comme tu le dis, de temps en temps, ça se retourne contre les gens. Mais bon, en général, c'est pas le cas. J'ai jamais eu d'expérience un peu. Qui foutent le camp, non. De violence ou non. Non. Non, on a eu un chien qui a intervenu à l'antenne. C'était pas prévu. C'est vrai que la personne en question, là, j'avais envie de le malmener. Ça, c'est vrai. Parce que j'avais bien pris soin, on avait bien pris soin avant de lui dire de mettre son chien dans l'autre local. Il avait toléré. Alors nous, on est en pleine émission, le chien arrive, l'autre il le tolère, il le remet pas dehors. Et à un moment donné, il s'est foutu à japper. Hein. Puis, ouais. Non, mais des fois, t'as envie des claques, quoi. Je veux dire. Mais non, ben évidemment, je comprends que les gens, leur vie dans la précarité, soit ça prenne tout dans leur espace mental, dont le chien est là. Mais quand tu choisis de t'exprimer à la radio, tu fais un peu attention à ce que tu fais, quand même. Je suis pas sûr qu'ils laisseraient leur chien japper à TF1. On est une des seules émissions parlées. Ah, tout le reste, c'est... Non, mais la grande majorité, c'est de la musique. Deux autres émissions sont créées depuis, et ben Radio Erika, qui a toujours été une émission parlée, qui était le dimanche. Et puis récemment, ça fait 2 ans, 3 ans, là, Natcha, une émission sur la prison. Eux, au début, ils faisaient une émission par mois. Maintenant, ils font une émission par semaine. Le dimanche, justement, là, maintenant, bientôt, là. Parce que leur but, c'était d'essayer de rentrer en contact avec les gens qui écoutent la radio en tout. Et ils ont fait de la radio suite à d'avoir fait plusieurs émissions avec nous, quoi. Parce qu'au départ, comme ils avaient eu cette idée, un peu comme Ras-les-Murs à Paris, d'un radio libertaire, ils voulaient, ou à Fréquence Paris Pluriel, je ne sais plus sur laquelle ils sont, ou sur les deux peut-être, où il y a un contact qui se fait avec les prisonniers, parce que les familles passent des messages via la radio, et vice-versa. Enfin, des fois, il y en a qui arrivent à écrire à la radio, ou avoir des contacts par les avocats pour poser des questions, et des fois, il y a réponse par la radio. Et donc ils ont demandé quelques créneaux de temps en temps, donc on les a laissés faire, et puis après ils se sont lancés à faire leur émission. Et du coup, ça a aussi cimenté leur collectif. Parce qu'ils ont une activité autour de la radio. Et du coup, bah maintenant ils sont dans faire pas seulement que la radio, quoi. Faire des débats, des collages, des interventions. La radio Erika, ils ont failli arrêter, parce que quelques temps après l'Erika, ils étaient plus que 2 ou 3 à faire l'émission. Ils étaient plus que 2, puis ils se disaient, au début, c'était l'émission du collectif contre la marée noire de Saint-Nazaire. Et donc, ils disaient, mais on n'a plus de légitimité. Puis moi, je leur ai dit, ben, de toute façon, vous êtes que 2, c'est pas grave, vous dites que vous êtes plus que 2. Que vous, à l'origine, Radio Erika, c'était l'émission du collectif, maintenant, il n'y a plus de collectif, vous êtes 2, vous le dites, et puis c'est tout, quoi. Vous voulez garder l'esprit, ben, maintenez-le si vous avez envie de le faire. Faut pas vous arrêter parce qu'il n'y a plus de collectif. Il faut pas tricher, c'est tout. Faut pas dire que vous êtes un collectif, à vous deux. Et ils ont admis, ils ont continué. Et eux aussi sont le dimanche. Et c'est aussi grâce à eux que Natchav a pu avoir une émission parce que il y avait des problèmes dans le créneau. Parce que la parole de Natchav ne passait pas pour certaines personnes alternantes. Parce que eux, d'entrée, ils sont contre toutes les prisons, donc ils ont un rapport à la répression que certaines personnes ne comprennent pas. Et la réponse de Natchav était très simple. Ben oui, mais les pro-prisons, ceux qui sont pour la répression dure en prison, ont tous les moyens qu'ils veulent et parlent tout le temps, partout. Et là, c'est un des seuls endroits où les anti-prisons ont le droit de parler. Bon, ça y est, ils ont leur créneau, ils essayent de le tenir. Il y a aussi eu Julie, qui l'an dernier a fait, parce qu'on l'enregistrait. Elle avait fait une émission d'un quart d'heure, bon, parce qu'elle n'arrivait pas forcément à faire plus toutes les semaines, avec des personnes côté psychiatrisées. Ou encore en psychiatrie. Et actuellement, ça se passe bien avec le groupe avec lequel ouais. Tu travailles ? Oh, bah, des fois, il y a des débats, mais c'est pas... Non, non, au contraire, je pense que petit à petit... Toujours plus d'hommes ? Oui, un peu plus, oui. Mais il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, quand même. Non, parce qu'avant, on n'en voyait quasiment jamais. Hein. Oui. puis même dans les intervenants extérieurs. Bon, la dernière fois, il n'y avait pas, mais l'autre fois, il y avait deux jeunes femmes qui sont venues parler. L'autre fois, sur le chômage, il y avait un homme et une femme. Pareil, quand on... Oui, ce qu'on essaie aussi de faire, ce qui est nouveau depuis quelques temps, c'est d'avoir des gens au téléphone. Parce que moi, je savais pas faire au niveau technique. Mais ça nous a permis d'avoir des nouvelles de Miguel Lebel, par exemple. Ça nous permet, par exemple, la semaine dernière, non, il y a 15 jours, on a fait une interview des gens de Rennes sur le chômage. Il y avait une personne de Rennes dans le studio qui a expliqué où ils en étaient vis-à-vis de leur procès, etc. Vis-à-vis des violences de la police, etc. Et on leur avait, avant, on leur avait donné la parole pour qu'ils expliquent un peu leur position sur le chômage, comment ils voyaient la chose, quoi. Et c'était intéressant parce que, bon, le seul ennui au niveau strictement animation, c'est que tu vois pas la personne en face. Et que moi, j'ai besoin de savoir comment elle va être au niveau technique pour rebondir ou pas. Et que des fois, je savais pas si elle allait continuer ou pas. C'est le seul point qui est pas forcément très facile. Sinon, c'était impeccable. Parce qu'on a eu une partie un peu, comment dire, un peu théorique, au sens où on a eu une personne qui nous a expliqué la façon dont il voyait le problème du chômage, enfin les enjeux. Et puis après, la deuxième personne, qui était une femme, à expliquer plutôt au niveau pratique comment ça se passait et tout, et du coup enfin comment ils agissaient, etc., etc. Et ça faisait un truc assez cohérent quand même, c'était pas mal. Et en plus, nous, on a pu aussi faire des échos avec ce qu'écrit ou ce que font les gens du centre, enfin du CIP de France, là, les intermittents précaires, qu'on incite qui est bien fait, puis qui... Je me suis abonné à leur liste et c'est un peu comme ça que l'autre jour on a vu qu'il y a un chômeur qui avait été poursuivi par un pôle emploi pour outrage. Et comment le procès s'était retourné contre un pôle emploi, y compris le procureur avait été obligé de dire. Voilà. Alors ça, quand il y a ce genre de choses, c'est du pain béni, mais ça arrive pas tout le temps. Alors parce que là, y compris les juges et les gens de la justice ont été obligés d'admettre que franchement, ça déconnait dur à pôle emploi, quoi, face à l'époque, quoi. Et que, ben évidemment, s'il était au chômage, le gars, il avait beau faire ce qu'il voulait, il trouvait pas forcément du travail facilement, et que c'était pas forcément seulement de son fait. Et que s'il avait tendance à s'énerver. Et c'était aussi un bon exemple pour parler de l'attitude tatillonne et bureaucrate de ce type d'organisme. Tu dis qu'il y a plus de femmes, mais à prendre le micro aussi? Ah oui, oui. Ah. Oui. On a trois... En fait, elles sont presque la moitié. Trois et trois. Et ça tourne aussi au niveau de... La technique? Oui, elle, oui. Elle, les cinq autres tournent de technique. Moi qui ne l'ai pas fait encore. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, moi, je devais avouer que j'ai une place spéciale dans cette émission, c'est évident. Parce que, bon, ils ont aussi pris l'habitude que si jamais il y a un trou, ben, je comble. Parce que c'est vrai que, on acquiert une expérience, ben, un peu comme parler maintenant, quoi, je veux dire. Ça démarre sur n'importe quoi, et puis on arrive à retomber sur quelque chose d'intéressant. Enfin, ou du moins, on peut essayer de trouver des trucs intéressants à raconter. Parce qu'il y a toujours des tas... Ou faire de l'humour, des fois, sur des trucs assez étonnants. Par exemple, il ne s'est rien passé à Tricastin. Un mort, un blessé grave, il ne s'est rien passé. Ah, la presse espagnole nous indique que le mort était espagnol. Obligé de passer par l'Espagne pour savoir ce qui passe à Tricastin. La position officielle, il ne s'est rien passé à Tricastin. Voilà. Ah, il a utilisé la baramine pour ouvrir le four. Ah, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce four? Des matières radioactives. Peu radioactives, soi-disant. Enfin, tout a pété. Et ben, bon, c'est pas rigolo pour lui, le mec est blessé, mais c'était plutôt l'attitude des autorités françaises, qu'elles soient l'AREVA ou EDF, de faire en sorte que on ne parle à Tricastin, il ne s'est rien passé. Oui, l'antinucléaire revient aussi. Les gaz de schiste aussi, ça dépend. C'est... Alors, moi, je travaillais beaucoup aussi avec un site qui, malheureusement, est en panne pour l'instant. C'est HNS Info, où il y avait... Là, c'était des infos nationales et mondiales. Bon, là aussi, c'est un fil de news un peu comme un Indymedia. Alors, effectivement, pour les annonces, on regarde toujours sur Indymedia, les listes qu'on a. Puis c'est vrai que de ce côté-là, les mails, un certain nombre de mails sont intéressants parce qu'ils te signalent, par exemple, pourquoi un certain nombre de gens, de faucheurs d'OGM ont choisi d'aller jusqu'à la Cour européenne pour dire qu'ils refusent les empreintes génétiques, de donner leurs empreintes génétiques. Ce qui est assez drôle, c'est que toutes les instances, ils ont été condamnés en France. Donc ils sont, je ne sais plus, plus d'une trentaine, et ils ont décidé de porter l'affaire au niveau européen. Et quelques mois après qu'ils ont pris cette décision, alors pour aller jusqu'à la Cour européenne, c'est long, ils ont été contactés par l'État français qui leur a proposé une indemnisation s'ils abandonnaient leur plainte. Oui, les fichiers, ça revient sans arrêt. L'autre jour, par exemple, c'était qu'est-ce qui marche dans Sarko-Land? Les fichiers et les sondages. Ça marche bien dans Sarko-Land. Les amis qui font les sondages, qu'on paye très cher. Oui, c'est un regard un peu décalé que des radios officielles aussi. Parce que c'est aussi ça, moi, ma réaction, c'est que j'entends tellement de conneries ou que les choses sont pas expliquées, enfin que j'estime que les médias ne font pas leur boulot. Parce que très régulièrement, s'ils voulaient nous expliquer ce qui se passe réellement, ils ont les moyens de nous aider à comprendre et ils le font pas. Donc la radio permet par moments, pas tout le temps, mais des fois de faire ça.